Ok. Salut les copains. Comment ça va? Une bouteille d'hélium? Ah ouais. Je vois pas à quoi ressemble. Bon, bah je vais vous faire. J'ai éclaté la balle. Je trouve pas. Non, en fait, ce sont des balles rebondissantes au bout d'un pic à glace. Pas dans l'eau, que se raconte. Comment? comment ça. Oui, c'est vrai que je tourne un peu en rond. Il faut trouver. En... Il n'est pas dans l'eau. J'ai... Bon, je ne vais pas vous expliquer comment j'ai posé le micro et où, et etc. Etc. Etc. Tada. Ok. En fait, je crois que je suis pire que vous. Allez, John. Putain, à force de fréquenter un site de mec, je finis par devenir aussi gore que vous. Quelqu'un qui saurait me donner les notes à chaque fois que je tape dessus. Eh hey, putain, vous avez décalqué sur le début. Jean-François du trou du cul, là. Qui va me donner les notes à chaque feuille que je vais taper dessus parce que j'ai perdu le sens. En là. Non, je l'ai oublié chez moi. Bon, ça c'est la première. Parce que t'as vu le look qu'il a, et je commence à écrire dessus. Déjà, je l'ai fait graver exprès à mon effigie. Le problème, c'est qu'il me les a notés sur une feuille, mais pas sur les feuilles, enfin pas sur le hang. Ah ouais, des gommettes, t'as raison, des gommettes. Bon, mais d'abord, il faudrait que je retrouve les notes. Normalement, c'est comme ça, je vais vous dire. Attendez, bougez pas. La si do ré mi fa dièse sol la si. Alors, la si do